dans l'azur de tes yeux, dans l'azur de tes yeux. En toi je me fonds, dans le désir, dans la passion. Quand par addiction, mon regard fait un plongeon dans l'azur de tes yeux, dans l'azur de tes yeux. Volupté sensuelle, sentiments éternels et bien d'autres merveilles, rien que pour moi, se révèlent dans l'azur de tes yeux, dans l'azur de tes yeux. Rire et complicité, du bonheur à satiété. En toi je l'ai trouvé et je rêve d'une éternité en aparté, seul avec toi sur un îlot déserté, dans l'immensité d'un océan de tendres émois, je me noie dans l'azur de tes yeux, dans l'azur de tes yeux. Vivre un jour sans toi, non, je ne le pourrais pas. Pour moi ici-bas, la lumière toujours sera dans l'azur de tes yeux, dans l'azur de tes yeux, dans l'azur de tes yeux.